Est-il juste de breveter les molécules qui permettent de guérir des pires maladies et qui ne pourront, du coup, guérir que les riches qui peuvent se les payer? Est-il moralement défendable d'inoculer le cancer à des animaux qui souffrent autant que nous pour pouvoir nous soigner, nous? Les églises, autrefois garantes de la morale, ont commis les pires atrocités à un moment ou à un autre de leur histoire au nom d'une vision biaisée du bien et du mal. La science risque-t-elle les mêmes dérives? D'ailleurs, les a-t-elle déjà commises? Peut-on tout faire au nom de la science? Où placer la limite? Sujet extrêmement difficile et audacieux que celui de ces deux épisodes sur la bioéthique. Et c'est Franck qui vaillamment se prête au jeu. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le jeudi 31 mai, et pour ce premier épisode, Franck vous propose une approche historique de la bioéthique. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, professeur Fon aux commandes. À mes côtés ce soir dans l'émission, Franck. Salut Franck. Salut tout le monde. Marco également. Salut Marco. Salut Alain. Salut Franck. Marco. Bon, si tout ça a un petit air Vous pas allez très bien? spontané, si tout ça, cher poditeur, a un petit air pas très spontané, c'est parce que j'ai fait une bêtise. On vient de finir le podcast, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement pendant les 5 premières minutes. Du coup, on est en train de refaire le début après la fin. Et puis voilà. Je vais passer la parole à Franck, qui va nous refaire le début du dossier. Voilà, donc moi je vais vous parler aujourd'hui de bioéthique. Avant tout, je voulais remercier le RERB qui m'avait permis tout à l'heure d'être à l'heure, mais maintenant qui m'aurait. Enfin bref. Donc oui, alors je vais vous parler de bioéthique. Excusez-moi pour cette digression. Donc pour commencer, je vais parler des définitions qui sont essentielles donc pour moi avant de vous parler de ça. Donc qu'est-ce que l'éthique? L'éthique, c'est la partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale. Alors, partie de la philosophie qui envisage. Donc, la philosophie. Et bon, c'est une définition un petit peu vague, on va pas trop s'attacher là-dessus. C'est ensemble des principes Attends. des êtres et des choses. Qu'est-ce qui te fait. Pourquoi tu rigoles, Alain? Pour couronner le tout, on a des coupures maintenant. Ah non, Ouais, attends. si, genre, on a compris à peu près un mot sur deux Oh là de là. la dernière phrase. Je recommence? Tu feras des coupures après sur l'enregistrement? Ouais, vas-y. Alors je Vas-y, recommence à la recommence. définition. Ouais, ok. Donc, éthique, partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale. Et donc, philosophie. Donc, philosophie, c'est une définition assez vague, ensemble de conceptions portant sur des principes, des êtres et des choses, sur le rôle de l'homme dans l'univers, sur Dieu, sur l'histoire, etc. Donc, partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale. Donc, l'autre partie, c'est la morale. Donc, qu'est-ce que c'est que la morale? La morale, c'est l'ensemble des règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue ou relevant d'une certaine conception de la vie. Donc, en fait, finalement, l'éthique, c'est les fondements de la morale, et la morale, c'est l'ensemble des règles de conduite considérées comme bonnes. Attends, on a à nouveau eu des coupures. T'as dit que l'éthique, ce sont les fondements de la morale, et puis la morale, ce sont les règles de conduite. Voilà, considérées D'accord. comme bonnes, elles ne sont bien. Considérées comme bonnes, d'accord. Voilà. Donc moi, quand j'ai pensé ensemble de règles, j'ai pensé immédiatement au droit. Donc je suis allé voir ce qu'était le droit. Le droit, c'est bien l'ensemble des règles qui régissent les rapports des membres d'une même société. Donc finalement, on peut considérer que le droit, c'est la morale d'une société, c'est les règles qui régissent une société. D'accord. Donc le droit, c'est l'éthique d'une société, on peut dire comme ça. Donc quand on va parler de bioéthique, on va parler du droit, des règles qui régissent la société, et on va voir donc la bioéthique. C'est la définition de la bioéthique, donc l'étude des problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche biologique, médicale ou génétique, et certaines de ses applications, donc dont la médecine. Donc en fait, on voit que dans bioéthique, il y a l'éthique, donc l'éthique, c'est la morale de la société, c'est le droit finalement, et il y a donc la partie biologique, donc c'est la recherche biologique, la médecine, etc. Donc c'est la biologie contre, entre guillemets, comment elle s'associe avec le droit, donc la morale. Et donc pour finir avec ces définitions, ce qu'il faut également voir, c'est que le droit, d'abord, disons originellement, le droit, il est fondé sur la religion. Par exemple, chez les Égyptiens, le pharaon qui dicte la loi, qui juge, qui nomme les juges, etc. Il est fils de Ré, dieu du soleil. Chez les juifs, il y a la, donc je la prononce peut-être mal, mais il y a la halakha, donc qui est la loi juive. Chez les catholiques, il y a le droit canonique. Chez les islam, chez les musulmans, il y a la charia, etc. Chez les romains, qui sont les fondateurs du droit un petit peu occidental, donc avec des lois écrites sur lesquelles se basent les juges, il y a un petit peu une distanciation avec la religion au fil du temps, mais à la base, c'était pareil, c'était un droit religieux. Donc voilà, donc on va voir un petit peu comment la recherche biologique, médicale ou génétique et ses applications, donc la médecine, a posé des peut poser des problèmes éthiques, donc légaux, à nos sociétés. Donc on va se cantonner à la société occidentale, hein, comme exemple. Donc comment on va voir ça ? On va faire l'histoire de la médecine. On va regarder comment est apparue la médecine, etc. Donc les premières pratiques médicales qui sont apparues chez l'homme, c'est la consommation d'herbes médicinales. Donc cette consommation d'herbes médicinales, elle est orchestrée, elle est dirigée par ce qu'on appelle nous le chaman en fait. Mais finalement, à l'époque, c'était un homme qui était, enfin à l'époque, dans toutes les sociétés originelles, dans les forêts amazoniennes, en Océanie, en Afrique, etc. Toutes les sociétés originelles qu'on connaît, cet homme qui connaît les herbes médicinales, il a également un caractère divinatoire, un caractère de prédiction divinatoire, c'est-à-dire qu'il a il devine l'avenir, il prédit l'avenir parce qu'il est en relation avec les dieux. Donc on voit que originellement la notion de la médecine originelle, donc la consommation d'herbes médicinales dans un but thérapeutique, a une relation et directement en relation avec le divin. C'est le chaman qui s'occupe de ça. Donc la science biomédicale, qui est donc la médecine, et la morale, donc la religion, sont exécutés de concert. Ensuite, on va aller en Égypte. Donc là, précisément, Alan, il faut que j'aille jusqu'en Égypte. Tu peux avancer un petit peu. D'accord. Donc on voit qu'en médecine, la médecine en Égypte a beaucoup évolué. On n'a plus seulement la consommation d'herbes médicinales. On a également des actes de petite chirurgie, donc avec la réduction de fractures. On a un art du diagnostic avec des notions de symptômes qui apparaissent, etc. Des traités de médecine. On a pas mal d'écrits qui subsistent de cette médecine égyptienne. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette médecine, elle reste étroitement liée au divin. C'est-à-dire que les médecins, ceux qui pratiquent la médecine, sont également souvent prêtres, c'est-à-dire qu'ils prient, ils pratiquent l'art divinatoire, ils lisent dans les oracles, enfin ils lisent dans les signes, etc. Et ils imputent la plupart des maladies aux colères, aux agissements, aux volontés de Dieu ou de démons. C'est-à-dire que la cause des maladies est divine. Beaucoup de remèdes utilisés par ces donc là on voit que la médecine reste encore une fois à caractère divin, à caractère religieux. On voit ce qu'il faut voir également, c'est que beaucoup de remèdes utilisés par les Égyptiens étaient inutiles en fait. En les étudiant aujourd'hui, parce qu'on dispose d'écrits qui nous permettent de savoir quels remèdes ils utilisaient, en les étudiant aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas leur utilité. Enfin, qu'ils sont inutiles en fait à nous. Et donc ça permet de dire que c'est pas parce qu'ils étaient utiles qu'ils étaient utilisés, mais c'est parce qu'ils répondaient aux croyances de l'époque, aux croyances religieuses. Voilà. Donc, ce qu'il faut signaler également sur cette médecine égyptienne, c'est qu'il y a tout un... Elle est associée à... Enfin, c'est pas la médecine, c'est la religion, mais il y a tout un rituel funéraire qui va comprendre la momification, la dissection du cadavre avec extraction des viscères, et notamment du cerveau par les narines. Et donc toutes ces pratiques de toutes ces funérailles, enfin ces rites funéraires, vont expliquer une excellente connaissance par les Égyptiens, une connaissance qui va pas être retrouvée pendant longtemps dans l'histoire, de l'anatomie en fait du corps, parce qu'ils vont ouvrir le corps pour en extraire les viscères, etc. Et cette connaissance là, elle est religieuse, hein. Enfin elle est liée au fait que dans la croyance égyptienne, le corps doit être conservé intact pour accéder à la vie éternelle. Et donc voilà, encore une fois, c'est la religion qui permet, qui précède la science et la recherche. D'accord. Mais donc, ce que tu nous disais dans la première prise, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de problème bioéthique à l'époque de la médecine égyptienne, parce qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt entre la morale et la connaissance. Oui, exactement. Dans la mesure où les deux découlaient, voilà, c'est ça. À cette époque-là, la science biomédicale reste totalement inféodée aux règles morales. Donc c'était, oui, je sais plus qui me demandait, c'était toi, Alan. Enfin, on en parlait, quoi. Et comme le prêtre, il n'y a pas de problème bioéthique, parce que comme le prêtre, il agit selon les croyances religieuses pour la médecine, il ne va pas essayer de faire des choses en dehors des croyances pour la médecine. Donc il n'y a pas de conflit entre la médecine d'une part, qui en fait, entre guillemets, n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a des actes médicaux qui sont pratiqués dans un but thérapeutique, mais en réalité, ces actes médicaux, ils sont justifiés par les croyances divines. En fait, c'est des actes religieux à vertu thérapeutique, entre guillemets. Donc il n'y a pas aucun conflit bioéthique, enfin, à ma connaissance, à ce que j'ai trouvé. Ensuite, on passe à la Grèce et à la Rome antique. Donc là, c'est très important parce que chez les Grecs, il y a l'avènement de la médecine occidentale avec Hippocrate. Donc voilà, donc ça, c'est un grand mythe, le premier des médecins, en fait. Donc il y a création des écoles de médecine, etc. Bon, comme les Égyptiens, ils pratiquent des petites chirurgies, remettent des fractures en place, ils savent faire pas mal de choses, enfin des petites choses, quoi. Mais par contre, il y a une grosse différence avec les Égyptiens, c'est que là, chez les Grecs, qu'il y a un interdit qui apparaît, c'est que la religion ne dit plus le corps doit être préparé en vue de la vie éternelle, mais en revanche la religion dit il ne faut pas toucher au corps, l'enveloppe corporelle doit être conservée intacte pour accéder à la vie éternelle. Et donc en fait à partir de là ça pose un interdit sur la dissection. Et donc là il y a un problème parce que Hippocrate, il est quand même inspiré par la philosophie donc des Grecs, qui lui pousse à la recherche du savoir. En fait, les Grecs, ils sont très, ce qui est apporté par Platon, la caverne, etc. C'est la recherche du savoir. Enfin bon, je résume beaucoup, je dis sûrement beaucoup de bêtises, mais grosso modo, chez les Grecs, la philosophie a apporté cette volonté de savoir. Et Hippocrate, pour savoir, il aimerait bien, il a envie d'ouvrir le corps et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, il commence à y avoir peut-être un des premiers problèmes bioéthiques, c'est-à-dire la dissection des corps humains. Et la question de savoir si Hippocrate a effectivement disséqué des cadavres humains ou pas, elle, c'est une question qui est posée, qui n'est pas tranchée, et que, enfin, peut-être qu'elle est tranchée, mais alors j'ai pas trouvé, mais apparemment elle n'est pas tranchée. Et il y a des arguments, parce qu'en fait il y a des récits de dissection pratiquée par Hippocrate, de dissection humaine, mais apparemment ce serait des faux, et Hippocrate faisait des telles erreurs d'anatomie dans ses traités, que ça paraît peu probable qu'il ait effectivement ouvert des cadavres humains, enfin disséqués. Donc en fait, là je pense que c'est le premier problème bioéthique, c'est la dissection. Hippocrate par contre, et de même, Hippocrate c'est le fondateur de la déontologie médicale, c'est-à-dire qu'il crée l'éthique. Donc la déontologie c'est l'éthique de la médecine, en fait c'est le droit médical, etc. Donc on est dans l'éthique, quoi. Et il fonde l'éthique médicale. Et disons qu'on pourrait résumer Hippocrate en une maxime qui provient de son serment, le serment d'Hippocrate que Hippocrate destine à tous les médecins qui souhaitent exercer de son école. Et ce serment d'Hippocrate, il va dire « Je m'interdirai d'être volontairement une cause de tort ou de corruption ». Et il le dit également dans la maxime qui est « Ne faites pas de tort ». En fait, finalement, la clé de la règle éthique, la première règle éthique que donne Hippocrate, c'est ne faites pas de tort. C'est-à-dire que le rôle de la médecine doit être positif. Et nous, ça peut nous paraître évident, mais en réalité, c'est déjà fondamental à l'époque parce que, par exemple, le chaman, il pouvait couper un bras à son patient parce qu'il disait voilà, telle est la volonté des dieux, etc. Enfin, tout était permis, quoi. Et là, Hippocrate, il dit, si un acte va commettre du tort, il faut pas le faire. La médecine, c'est ne pas le faire. C'est ne pas faire de tort. Et ça, c'est la première règle bioéthique. C'est-à-dire qu'il s'affranchit, il se sort de tout principe religieux, et il dit, la médecine, c'est ne pas faire de tort. Donc ça, c'est un des principes bioéthiques, un principe éthique de la médecine. Et Hippocrate, donc on a vu, ne pratique pas la dissection, parce que c'est un interdit. Donc il se soumet à cet interdit. Voilà, donc pour finir sur les Grecs, on peut parler également de Hérophile. Donc c'est un autre Grec mais qui vivait en Égypte, donc peut-être qu'il a été influencé par les idées égyptiennes, mais qui lui pratiquait la dissection, et d'ailleurs ça lui a été beaucoup beaucoup reproché. Donc on voit que déjà à l'époque voilà, c'était déjà la guerre pour faire les choses que pour faire pour agir sans... enfin bon, c'était un des premiers problèmes bioéthiques. Voilà, donc voilà pour les Grecs. Et maintenant, donc, on va voir pour les Romains. donc les Romains donc, qui ont succédé, qui ont envahi la Grèce et donc on peut dire, qui ont entre guillemets succédé aux Grecs dans la civilisation occidentale. Je me suis pas trop intéressé à m'occuper des civilisations chinoises, arabes, et voilà. Mais je pense que c'est à peu près pareil. Enfin, j'ai surtout parlé, enfin, je parle que de la civilisation occidentale. Enfin, voilà. D'accord. Donc dans la loi romaine, alors là l'interdit grec de toucher au corps, donc pour parler de ce problème de la dissection, dans la loi romaine le problème de la dissection il est complètement fermé, c'est-à-dire que là la loi romaine, donc je vous avais dit qu'elle était très développée, un des points forts des Romains c'était qu'ils avaient un système de droit très développé avec des droits écrits etc. et très bien appliqués. Et la loi romaine elle écrit textuellement, j'ai pas la phrase exacte, mais toute atteinte à l'intégrité physique du corps ou du cadavre après la mort sont interdites. Okay. Donc là, c'est carrément la loi et versus la science. Et donc, par exemple, la crucifixion qui a été imposée à Jésus, c'est la pire des sentences parce qu'elle induit un pourrissement du corps. Et donc, le corps, hein, on voit qu'il est pas, il peut pas se conserver. Donc, la personne est privée de vie éternelle, en fait. Donc voilà. Donc après, l'histoire avance, les Romains, chute de l'Empire romain, etc. L'Empire romain transmet son flambeau à la religion catholique, le christianisme. Donc l'empereur romain Constantin se convertit au christianisme en, je sais plus, 453, quelque chose comme ça, etc. Et donc bientôt l'ordre en Europe est lié à la religion catholique. Donc dans les religions catholiques, je pense que je vais plutôt dire chrétienne, dans les religions chrétiennes, et c'est également le cas dans la religion musulmane, je vais m'intéresser au problème de la dissection, hein, surtout, parce que c'est assez représentatif de l'évolution de la bioéthique. La dissection n'est pas explicitement interdite. Il n'y a nulle part marqué tu ne toucheras pas au cadavre, etc. Il n'y a pas d'interdit explicite comme dans la religion romaine. Et c'est pareil dans la Torah, dans les commandements de la Torah, il y en a plein, etc. Enfin, il y a plein de règles induites dans la Torah, et il y en a à aucun moment, il y a marqué, bon, j'espère que je ne dis pas de bêtises, hein, si j'en dis, il faut absolument me prévenir, mais à aucun moment, il y a marqué la dissection, les cadavres ne doivent pas être ouverts, etc. Mais pourtant, on associe souvent dans les croyances populaires, on dit le Moyen-Âge, c'est le clergé. Et d'ailleurs, tu en as parlé dans ton introduction. Le Moyen-Âge, c'est le clergé, c'est l'interdit, c'est l'Église qui interdit tout et qui est dictatoriale. Mais en fait, il y a aucune preuve de ça, que c'est que l'absence de travaux scientifiques, l'absence de, enfin, en tout cas dans le domaine auquel je me suis intéressé, c'est-à-dire l'anatomie, enfin l'histoire de l'anatomie, de la médecine, il y a aucune trace du fait que l'Église était vraiment si oppressive que ça sur les travaux. Au contraire, même, ça serait plutôt le contraire, parce que c'est dans les monastères que les moines entretenaient le savoir en recopiant les écrits des Grecs, justement, de Aristote, de Hippocrate, etc. Et donc en fait, c'est un peu une idée, je crois que c'est un peu une idée erronée qu'on a contre l'Église, de dire que l'Église a écrasé le Moyen-Âge par son obscurantisme en empêchant le développement des sciences. Et il semblerait plutôt que ça soit une absence, que personne, en fait, il y avait un désintérêt général pour les sciences, et que personne n'a voulu faire de la science, en fait, pendant le Moyen-Âge. Mais bon, là, c'est des gros guillemets, hein, j'ai aucune certitude. Au Moyen-Âge, l'Église a été surtout contre la science qui la remettait en cause. Mais alors, moi, encore une fois, je me suis intéressé vraiment qu'au domaine des sciences médicales. Hein. Donc, je ne sais pas si dans les autres sciences, c'est la même chose. Mais alors, ce qu'il y a eu, je sens que vous voulez parler de l'Inquisition. Allô? Oui, mais là, c'était pour te dire que là, l'Église allait dans le sens de la science parce que c'est pas quelque chose qui remettait en cause les fondements de l'Église. Donc l'Église n'avait rien contre cette science-là, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Elle avait rien contre la science. Tout à fait. Enfin, ouais, la science qui la remet pas en cause. Oui, non, mais attends. Ça, c'est. Oui, enfin. Tant que la science ne disait pas que la Terre tournait autour du Soleil, par exemple, il n'y avait pas de problème. Oui, ouais, attendez, ouais. Oui, parce que oui, non, attendez, oui, je me suis peut-être un petit peu emballé. Je vous parle du Moyen-Âge entre 500 et 1200. Oui, pardon. Parce que tout ça, là, ce dont tu me parles, c'est qui, comment il s'appelle ? L'Inquisition, c'est beaucoup plus tard, ouais. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Comment il s'appelait, le gars, là, qui a dit que la Terre était ronde ? Qui a dit que la Terre était ronde ? Galilée, non ? Il a dit qu'elle tournait autour du soleil. Ah oui, qu'elle tourne autour du soleil, c'est Galilée, lui qu'on lui a demandé. Copernic aussi. Voilà, et ouais, c'est à eux qu'on a demandé de parjurer. Il y a eu des Grecs aussi avant. Voilà. Il y a eu qui, pardon, Marco? Je sais jamais si c'est Aristarque de Samos. Il est moins connu celui-là. Bah, si, je sais jamais en fait s'il a dit que la Terre était ronde ou qu'elle tournait autour du Soleil. Je sais plus ce qu'il avait mis en évidence déjà. Ok, bah, ça je sais pas non plus, mais je me suis pas intéressé trop à ce domaine-là, donc je vais pas pouvoir trop juger. Mais donc dans le domaine médical, donc comme je vous disais, jusqu'à environ 1200, il n'y a pas trop de traces de problèmes entre médecine et Église, quoi. Ce serait plutôt l'inverse, donc comme je vous disais, ils entretenaient les écrits de Hippocrate et Aristote. Et même à partir du XIIIe siècle, donc à partir de 1200, il y a des traces de dissection qui réapparaissent et qui sont orchestrées par l'Église. Donc là, je suis resté focalisé sur le problème de dissection parce que c'était à peu près c'était ce qui intéressait à peu près tous les médecins, c'était de savoir ce qu'il y avait dans le corps, ils savaient pas quoi. Donc c'est vraiment le problème de la dissection qui focalise un peu toutes les attentes, je pense, à l'époque. Et donc oui, donc au XIIIe siècle, en 1200, l'Église, elle autorise même donc ponctuellement, elle va dire bon, un tel, il va falloir l'autopsier. Donc autopsie d'ailleurs, j'ai dit, pas disséquer, parce qu'en fait, c'était à des fins pénales. C'est-à-dire que l'Église, elle voulait savoir, elle était très intéressée pour savoir si un gars il s'était fait zigouiller plutôt que de mort naturelle par un autre. Et donc là, la science l'intéressait, quoi. Finalement, la dissection l'intéressait. Donc on peut voir que même l'Église, dans ce cas-là, aurait plutôt servi la science. Mais bon, là, enfin, il n'y a rien de bien sérieux. Et donc l'histoire avance. Et il y a donc il y a l'Inquisition qui apparaît. Donc à partir de 1200, là je sens qu'Alan, tu vas mieux savoir que moi. J'ai pas les dates exactes, mais 1250 quoi. Ouais, je saurais pas dire précisément. Ouais. J'aurais dit un peu plus tard, mais. C'est vite vérifié. Vas-y, continue, ouais. Je vérifie pendant ce temps. Ok, merci. Donc là, il y a l'Inquisition qui apparaît, et là, le problème, c'est que l'Inquisition, elle est complètement, elle n'est pas régulée par aucune loi écrite. L'Inquisition, c'est l'inquisiteur local qui a à peu près tout pouvoir, sauf que bon, après, il peut être en litige avec le pape, etc. Mais grosso modo, l'inquisiteur local, il a le tout pouvoir pour traquer les hérésies. Et donc, ce qui décide d'être une hérésie. Il peut lui faire à peu près ce qu'il veut, quoi. Bon, je vais pas m'attarder sur les massacres de l'Inquisition. Il y en a eu beaucoup. Mais donc ça a créé un climat anti-scientifique. Bon. Et c'est sûr que ça a pas permis de développer la science. Il y a eu, oui, vas-y. Pardon. Ouais, si jamais c'était 1199, l'introduction de l'Inquisition médiévale devant les tribunaux ecclésiastiques par le pape Innocent III, si tu veux tout savoir. Ok. Donc ouais, t'étais dans les clous en termes de chronologie. Ok. Voilà. Donc c'est à partir de là que l'Inquisition fait un petit peu peur. Et donc là, il y a une initiative ponctuelle dont on va passer rapidement dessus. C'est Frédéric II du Saint-Empire romain germanique qui va encourager les dissections par un édit, en fait, qui... alors là, c'est là que c'est un petit peu bizarre, j'ai pas bien compris, c'est qu'il fait un édit qui autorise la dissection des corps. Sauf que je comprends pas pourquoi il l'autorise. En fait, je pense que ça veut dire qu'il interdit qu'on réprime la dissection des corps. Mais bref, donc ça lance un peu un élan, et il y a des dissections qui vont être organisées dans plein de cités italiennes, notamment, parce que à l'époque, le Saint-Empire romain germanique, il allait jusqu'au nord de l'Italie. Et donc voilà, le mouvement des dissections reprend progressivement à partir de 1250, plusieurs endroits en France, à Montpellier, enfin il y a plein de villes comme ça où on se remet à disséquer. Parfois c'est des autorisations ponctuelles données par le clergé, et parfois donc dans le Saint-Empire romain germanique, c'est donc en vertu de cet édit de Frédéric II. Mais alors là, il commence à y avoir une querelle avec l'Église, et le pape va édicter une bulle. Ce qu'on appelle une bulle, c'est une loi du pape qui interdit de bouillir les corps. Et alors ça, en fait, ouais, ça interdit de bouillir les corps. Ça a été interprété comme une mesure dirigée contre les dissections. Mais en fait, c'était pas ça du tout. Et c'était une mesure qui était dirigée pour empêcher les gens de ramener les corps, les croisades à l'époque. Les gens, ils partaient en croisade. Et en fait, ils essayaient de ramener leurs corps de la Terre Sainte jusqu'à, bien sûr, chez eux, quoi, en Europe. Et pour ça, ils faisaient bouillir les corps et ils séparaient les viscères des corps. Et ça, c'était hygiéniquement, c'était catastrophique, quoi. Et donc, le pape, il prend cette mesure qui dit, on n'a pas le droit de bouillir les corps et de séparer les viscères. C'était pour ça. C'était dans une initiative hygiéniste, en fait, et parfaitement médicale, on va dire, mais pas du tout dirigée contre les scientifiques, parce que les scientifiques qui avaient besoin de disséquer devaient faire bouillir les corps pour séparer les chairs des os. Et donc, ça a été très mal pris. Mais donc, bref, il y a une espèce de c'est un peu le bazar, on sait pas trop si c'est autorisé ou pas. Et le temps passe comme ça. Et finalement, jusqu'en 1503, c'est des autorisations ponctuelles avec des gens qui prennent leur courage à deux mains, qui y vont. Et en 1503, donc la date est pas sûre encore. J'ai trouvé plein de dates séparées, mais enfin différentes. Mais grosso modo, entre 1450 et 1550, le pape autorise ouvertement la dissection. Donc après, il va y avoir plein de grands. Là, la médecine va prendre un essor formidable avec Vézal, Léonard de Vinci, qui vont disséquer des corps, qui vont faire des grandes découvertes en anatomie, Ambroise Paré, etc. Mais là encore, on voit, j'ai une citation de Ambroise Paré, donc qui était un anatomiste de l'époque, et qui dit. Je pensais le malade, pensais PAN, donc je pensais soigner ses blessures. Dieu le guérit. Dieu, et ça, comment c'est... J'ai de nouveau une coupure. Dieu ? Ouais, désolé. Ça va, la qualité, c'est pas trop déplorable ? Ça va, il y a des petites coupures de temps en temps, mais c'est tout à fait audible. Ok, super. Et donc, c'était je pensais le malade, Dieu le guérit. D'accord. Donc là encore, malgré le fait qu'il soit contre l'Église, on est encore dans la vision le médecin n'est rien. C'est Dieu qui guérit. Et donc, on voit que ce problème de la problème bioéthique, enfin, ce qu'on peut identifier comme un problème bioéthique de la dissection des cadavres humains, a été résolu. À partir de 1500, c'est open dissection, quoi. Et on voit, en fait, si on interprète cette histoire, on voit qu'en fait, le christianisme a été beaucoup plus permissif en matière de dissection humaine que les lois grecques et romaines. Et donc, la mauvaise réputation de l'Église catholique, des églises chrétiennes à ce sujet, est pas très fondée, parce que finalement, l'Église a été moins... À ce que j'ai lu, et ce que je pense, c'est que l'Église catholique a été moins restrictive. D'ailleurs, c'est sûr, parce que la loi romaine interdisait absolument la dissection, alors que l'Église a ponctuellement autorisé, et a rapidement autorisé, finalement. Et en fait, la raison qu'on peut donner à ça, c'est qu'en fait, finalement, la religion, les religions monothéistes, dont la religion catholique, désacralisent l'enveloppe corporelle. En fait, en introduisant le concept de l'âme, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important dans notre corps, c'est l'âme, et en fait, à partir de là, le corps peut être manipulé, on peut en faire un peu ce qu'on veut, tant que l'âme est sauvée. Et c'est pour ça que le christianisme, etc., ont fait avancer de cette manière la conception de l'anatomie. Donc après, avec l'anatomie, on a pu développer la chirurgie, on a pu développer la connaissance de la circulation du sang, etc. Et donc la médecine a pris un grand essor. Et on voit que, ce retard de la dissection, parce qu'à partir du moment où la dissection a été possible, bon, c'est peut-être une inversion des causes et des conséquences, mais quand la dissection était possible, on voit qu'à partir de là, la médecine a pris un essor rapide. Bon, peut-être que c'est parce que la curiosité est revenue, etc., que les sciences ont pris un essor, que les soins ont progressé. Enfin, on peut pas savoir quelle est la cause ou la conséquence vraiment, mais ce qu'on constate, c'est quand même que tant qu'on n'a pas eu résolu ce problème de la dissection, la médecine n'a pas avancé. Donc, on peut voir que cette question bioéthique de la dissection, elle a eu une importance quand même, enfin, peut-être elle a eu une importance cruciale sur le développement de la médecine. Voilà. Donc, je vais continuer. Je sais pas trop où on en est avec le temps. Maintenant, il y a un autre problème qui apparaît, et c'est la vivisection. En fait, à partir du XVIe siècle, donc en 1500, il y a un médecin qui pratique des vivisections animales, c'est-à-dire qu'il ouvre les animaux vivants. C'est William Harvey, donc un médecin anglais. Et donc ça lui permet de démontrer la circulation sanguine, parce qu'il met en évidence que le sang circule dans les artères. Après, au XIXe siècle, donc il y a c'est Claude Bernard, donc qui est considéré comme le père de ce qu'on appelle la médecine expérimentale, qui va introduire la démarche qu'on appelle la démarche hypothético-déductive, c'est-à-dire le savoir appuyé sur l'expérience. Donc Claude Bernard, il pratique largement dissection et vivisection animale pour expérimenter ses thèses. Mais il est évident que la vivisection animale pose un problème éthique à tout le monde, c'est qu'on a peur de faire souffrir l'animal. Mmh. Là, il n'y a pas besoin de. Enfin, c'est gênant naturellement. Donc à ce titre-là, Claude Bernard, il va dire ne faites pas de tort. Il va reprendre le ne faites pas de tort d'Hippocrate à l'expérimentation médicale, c'est-à-dire à la recherche médicale. Mais le principal point de Claude Bernard, c'est que il fonde donc la médecine sur le principe de l'expérience, et donc il pose le problème fondamental de la médecine qui maintenant a besoin de cobayes. Donc elle a besoin de faire des expérimentations. Et donc là, on va prendre un énorme accélérateur pour aller à une autre période de la médecine beaucoup plus sombre, c'est la médecine de l'Allemagne nazie. Donc l'Allemagne nazie, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne nazie? C'est qu'il y avait des théories du racisme biologique qui disaient qu'il y avait certaines races qui étaient supérieures à d'autres et qui donc on avait le droit de faire ce qu'on voulait aux races inférieures, un petit peu comme les dissections à l'animal, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut à l'animal, on peut faire ce qu'on veut à une race inférieure. Oui, d'ailleurs, à ce propos-là, j'ai oublié une petite aparté, c'est que, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, mais les idées de Descartes, en fait. Il y a Descartes qui a dit « l'animal est une machine et seul l'homme qui est doté d'une âme est apte à souffrir ». Donc en fait, il désacralise la souffrance animale en disant que c'est une machine, il n'y a pas d'âme, donc on peut faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est les idées de Descartes, donc le philosophe français. Et donc retour à l'Allemagne nazie, donc ils disent « on peut faire ce qu'on veut, donc pareil aux races inférieures, parce que, etc. » Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, les horreurs perpétrées par les nazis dans les camps, c'est quelque chose d'abominable. Ils vont faire des tests de résistance à l'eau froide, ils vont tester des poisons sur les déportés, ils vont faire des expériences de mélange de sang, des tests de stérilisation par insolation. Enfin, ils vont faire tester des basses pressions pour les avions, etc. Enfin, ils vont vraiment faire exactement ce qu'ils veulent. Et je vais pas m'attarder trop sur ces horreurs-là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que là, c'est aussi un problème bioéthique. C'est est-ce qu'on peut faire de l'expérimentation sur des hommes ou pas? Bon, c'est un problème bioéthique qui peut paraître évidemment tranché, bien sûr. Mais c'est-à-dire pour eux, c'était tranché dans l'autre sens. C'est-à-dire on pouvait le faire. Et là, on serait tenté de dire évidemment qu'ils avaient tort. Donc c'est pour montrer que la question bioéthique. Dans certains cas, on pourrait penser qu'elle est en faveur de la science, qu'il faut toujours prendre la voie de la science, mais dans le cas des atrocités commises par les médecins, parce que c'était des médecins qui agissaient au nom de la science, la réponse apparemment est plutôt du côté de l'éthique, hein, enfin de ce qu'on appelle, de ce qu'on va qualifier d'éthique. Donc voilà, donc à l'issue de la guerre, il s'est passé. Donc là, maintenant, on va rentrer dans les fondements de l'éthique moderne. Ce qui a fondé la bioéthique moderne. Donc, parce que en fait, finalement, ces atrocités commises par les nazis, elles ont eu entre guillemets une utilité, c'est qu'elles ont permis de comprendre qu'il fallait mettre des lois, des règles à la pratique de la médecine, qui était jusqu'à présent, qui était restreinte grosso modo au serment d'Hippocrate. Donc le serment d'Hippocrate, qui était entre autres dans toute la place du médecin dans la société, mais surtout le ne faites pas de tort. D'ailleurs, que les médecins nazis, je suis en train de me rendre compte, n'ont pas respecté. Ah oui, si, alors voilà, si. En fait, le ne faites pas de tort d'Hippocrate, il n'est pas suffisant parce que il exclut la notion de la recherche. C'est-à-dire que, en fait, pour tous ces médecins qui ont fait des expériences, le ne faites pas de tort d'Hippocrate, il n'est pas en frein parce que au prix d'un tort immédiat, c'est-à-dire on fait du mal à quelqu'un, il va en ressortir une connaissance et cette connaissance, elle va avoir un effet bénéfique sur l'ensemble de la société, de ceux qui bénéficient de la médecine. Donc en fait, ce ne faites pas de tort d'Hippocrate, il est insuffisant parce qu'il exclut, si on le respecte vraiment strictement, il exclut pas mal de pratiques. Et donc, voilà, il apparaît qu'il est insuffisant. Jusque-là, ça va? Ok. Ouais, si, non, peut-être juste un commentaire par rapport à un truc que tu disais tout à l'heure. Tu disais que. Le contexte n'est pas toujours favorable à la science. Ouais. En fait, tu voulais dire au savoir. En réalité, quand tu parlais de science dans ce contexte-là, c'était le savoir, quoi. C'est-à-dire, on le savoir, ok, mais pas à tout prix. Voilà, le savoir pas à tout prix. Ouais. Mm-hmm. Alors que, ouais, au pire moment de l'idéologie nazie, on pensait que voilà, on pouvait acquérir le savoir par n'importe quel moyen, à n'importe quel prix. Exactement, exactement. Ok. Bon, ce qu'il y a aussi, c'est que évidemment, dans l'idéologie nazie, il y avait l'idée du racisme. Et que ce qui a rendu si horrible ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont permis de faire ça sur des êtres humains parce qu'ils avaient cette idéologie du racisme qui leur autorisait à faire Eh bien ça. sûr, bien sûr. Mais, enfin, parce que, oui, enfin, c'est compliqué, quoi. C'est dur. Donc, à la fin de la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les Américains sont arrivés, ils ont découvert les horreurs dans les camps. Et il y a eu donc, le procès de Nuremberg, je pense que tout le monde a entendu parler de ça, c'est le procès des grands dignitaires nazis. Et avant le procès de Nuremberg, juste avant, il y a eu le procès de Nuremberg, mais des médecins. Ça a été le procès des médecins de Nuremberg. Et pour juger les médecins, les juges américains, ils ont été vachement embêtés. Parce qu'ils avaient pas, ils savaient pas sur quelle loi, sur la base de quelle loi les juger. Par exemple, pour juger les atrocités commises par les nazis, ils pouvaient se baser sur le code des droits de l'homme, enfin sur la déclaration des droits de l'homme. Enfin, ils avaient des textes internationaux qui régissaient les relations entre êtres humains. Mais la recherche médicale, la médecine en elle-même, ils avaient rien. Ils n'avaient pas de fondement. Donc ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont, ce qui est enfin, ce qui est aberrant en termes de jugement, c'est-à-dire que si un juge il faisait lui-même les lois, ce serait n'importe quoi. Mais là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait eux-mêmes la loi. Ils ont fait un code, ce qu'on a appelé maintenant, enfin ce qui est très connu dans la bioéthique, c'est le code de Nuremberg. Et ce code, là, il leur a permis d'avoir des bases pour juger les actes des médecins. Alors ce code, il est tout simple. C'est un code qui fait 10 articles. Donc je vais vous en donner quelques-uns. Le premier article, c'est le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Donc il faut que la personne ait la capacité légale de consentir. Donc ça, c'est un truc bête, mais voilà, c'est le consentement humain. Deuxième article, l'expérience doit être telle qu'elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société. C'est-à-dire que, par exemple, dans les expériences commises par enfin, les expériences perpétrées par les nazis, il y avait bien sûr l'envie de savoir, mais finalement, quand on regarde les expériences, au final, il n'en est rien sorti du tout, quoi. Ils ont fait souffrir un malheureux, etc., pendant 10 heures au froid. Ils ont dit, bon, bah, effectivement, enfin, ça a eu aucun effet bénéfique pour la société, de palpable, quoi. Après, le troisième élément, c'est l'expérience doit être construite et fondée de façon telle sur les résultats de l'expérimentation animale et de la connaissance de l'histoire naturelle. Pourquoi j'ai pris celui-là? Désolé. Oui, c'est qu'ils encouragent l'expérimentation animale. Bon, c'est pas très intéressant. Bon, après, il y en a d'autres, je vais les passer. Oui, il y en a un qui dit que les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement qualifiées, etc. Voilà, donc les juges américains ont mis au point ce code de Nuremberg qui va servir de base donc à la bioéthique moderne. Enfin, non, pas vraiment, il va pas servir de base, mais donc disons que c'est le premier acte légal de la bioéthique moderne. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, avec la fin de la guerre, il y a une deuxième chose qui apparaît, c'est qu'il y a la première organisation médicale internationale, qu'on appelle l'Assemblée des médecins mondiaux, l'Assemblée des médecins mondiales. Donc, l'AMM, qui donc est un des premiers devoirs que se fixe l'AMM, c'est que, au vu et en conséquence de ce qu'ils ont observé donc dans l'Allemagne nazie, et aussi d'ailleurs, j'ai beaucoup parlé de l'Allemagne nazie, mais il y a aussi des atrocités et beaucoup même d'atrocités commises par les Japonais. Les Japonais qui ont, par exemple, inoculé, je crois que c'est le paludisme, à tout un village pour à des fins scientifiques également. Enfin bref, il y a aussi les Japonais. Donc, cette association mondiale de médecine, elle se fixe un premier objectif de se charger de l'éthique médicale. Et elle met au point le serment de Genève, qui est une proposition de serment d'Hippocrate actualisée pour les médecins. Donc là, pareil, il y a une dizaine de commandements, dont un qui est nouveau, enfin. Non, le secret médical, c'était déjà chez Hippocrate. Voilà, donc ils reprennent les commandements d'Hippocrate, mais ils les actualisent un peu. Après donc cette déclaration de Genève, Donc tout ça, c'est des actes vraiment fondateurs. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, et c'est les actes fondateurs de la bioéthique moderne. C'est pour ça que je vous en parle, hein, parce que ce n'est pas dans l'intérêt fondamental en soi, mais c'est vraiment pour montrer que c'est à la suite de la guerre et des atrocités qu'on a découvertes que c'est fondé les fondements juridiques actuels de la bioéthique. Et ces fondements juridiques sont importants parce que c'est les seuls éléments éthiques concrets qu'on a aujourd'hui. Donc qu'est-ce que l'éthique ? C'est les textes juridiques dont je vous parle là. Et en fait, donc après donc cette déclaration de Genève, il y a eu en 64 une déclaration d'Helsinki qui est pareil, qui va comprendre quelques commandements dont par exemple le devoir du médecin de promouvoir et de sauvegarder la santé des patients, y compris celle des personnes impliquées dans la recherche médicale. Oui, donc là c'est la notion de recherche médicale. Et ça insiste beaucoup sur cette notion de recherche médicale parce que c'est une des plus problématiques dans l'éthique médicale. Donc bref, on va passer un peu rapidement. Oui, il y a aussi le bien-être des animaux dans la déclaration d'Helsinki. Elle prend même en compte, la recherche médicale doit prendre en compte l'environnement, le respect de l'environnement. Donc voilà, ils ont vraiment des impératifs très modernes, etc. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est le point important qui se passe ? C'est qu'aux États-Unis, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les médecins américains n'étaient pas non plus blancs comme neige. Il y a ce qu'on appelle l'étude de, alors je ne sais pas si je prononce bien, Tsukiji, je ne sais pas si c'est non, Tsukiji, enfin bon, bref. C'est le nom d'une ville. Moi, je veux la cote de franc en japonais. Ah non, Marco, je veux bien essayer, mais là, c'est une ville américaine par contre. Donc, il y a ce qu'on appelle donc, l'étude de Tuskegee, sur la syphilis qui a été orchestrée donc, de 1932 à 1972, donc 72 c'est bien après les accords de la déclaration d'Helsinki, et donc qui a été une étude clinique qui a été menée à Tuskegee en Alabama par des médecins américains pour étudier l'évolution de la syphilis lorsqu'elle n'est pas traitée. Donc ça, là c'est... Ce qui est intéressant dans cette scandale qui a été révélé par une historienne américaine assez tard, donc je crois que ça a été révélé en 1972 et c'est ça qui a interrompu l'étude. Qu'est-ce que c'était cette étude ? En fait, c'est qu'ils inoculaient de la syphilis à des métayers, donc à des fermiers afro-américains, donc des noirs, et à qui ils refusaient le traitement de la maladie. Alors en 1932, le traitement de la syphilis n'existait pas parce que le traitement de la syphilis, c'est la pénicilline, et donc la pénicilline ça a été commercialisé qu'avec la guerre pendant la guerre mondiale, donc en 1943. Donc on voit que de 32 à 43, bon, finalement les gens mais à partir de 43, ils ont continué l'étude et ils n'ont pas soigné les patients malgré le fait qu'on avait le traitement pour la syphilis. Et donc cette étude, qui était totalement connue des institutions sanitaires américaines, a continué jusqu'aux années 72, jusqu'à ce que la presse s'empare du problème. Alors, si on étudie de manière éthique cette étude de Tuskegee, on voit que les individus qui étaient inclus dans cette étude, ils n'ont pas donné leur consentement éclairé. Donc ça, c'est ce que je vous disais dans le code de Nuremberg, le premier article, c'est les patients doivent donner leur consentement éclairé. Donc ce concept avait été affirmé dès 47, donc à la fin de la guerre, mais malgré ça, donc les médecins américains ne l'ont pas respecté. Par ailleurs, donc pour les médecins mentaient ouvertement aux patients, c'est-à-dire plutôt que leur dire qu'ils avaient la syphilis, ils leur disaient que leur sang était mauvais, ils leur disaient que s'ils continuaient l'étude, s'ils faisaient ce que les médecins voulaient, ils pourraient recevoir des traitements gratuits, le transport gratuit à la clinique, le repas chaud par jour, et en cas de décès, on leur donnerait $1000 pour les funérailles. Donc là, on voit qu'il y a un autre concept, c'est qu'ils achètent, c'est que le consentement, même s'il y avait un consentement, il n'était pas éclairé, c'était un consentement qui était... Qui était manipulé en l'occurrence. Ouais. Manipulé, exactement. Et ça, c'est un des concepts bioéthiques essentiels aussi, c'est que si on donne à quelqu'un de l'argent pour un consentement, son consentement, il ne vaut plus rien. Enfin, tout ça, c'est des concepts assez intéressants, je trouve, d'éthique. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc après, il y a une plainte qui est déposée contre les médecins, les organisateurs et même les institutions. Sanitaire américaine, donc organisée par ses patients. Donc, ce qu'il faut bien dire aussi également, c'est qu'aux États-Unis, évidemment, la loi reconnaît deux races, etc., et qu'il y a beaucoup de racisme aux États-Unis jusqu'aux années 60. Hein. Donc c'est dans un contexte spécial, parce que là, cette étude-là, elle n'incluait que des patients noirs. Et donc voilà, donc à la suite de ce scandale, donc en 79, où la ségrégation est abolie aux États-Unis, hein, donc il y a un rapport qui s'appelle le rapport Belmont, et donc là, ce rapport Belmont, c'est vraiment le rapport fondateur de la bioéthique. Il repose les principes fondamentaux de bioéthique, mais cette fois, en fait, c'est aux États-Unis. Alors que ces principes avaient déjà été posés par le code de Nuremberg, par la déclaration d'Helsinki et tout ça. Mais là, c'est vraiment appliqué, quoi. Parce que pour les médecins américains, bon, le code de Nuremberg, c'était pour les cinglés, quoi. C'était pour les médecins nazis, ça les concernait pas. Mais là, on a vu que si, c'était un problème qui se posait en permanence, en fait, dès qu'on parle de recherche médicale. Il y a des gros problèmes d'éthique qui se posent même pour des médecins américains, quoi. Donc ça c'était la première chose. Et deuxième expérience, il y a eu un autre scandale dans la médecine américaine, c'est les expérimentations au Guatemala qui ont été révélées encore plus récemment. Donc là c'est en 2010, on a découvert des documents qui relatent des expérimentations menées donc par les médecins américains. Au Guatemala, on inoculait volontairement la syphilis. Donc là, c'était encore pire. C'était qu'on inoculait la syphilis à des gens pour voir si la pénicilline pouvait prévenir cette maladie. Alors que dans l'étude de Tuskegee, c'était des gens qui étaient déjà malades et on les privait juste de traitement. Donc là, c'était encore pire au Guatemala. Donc c'était juste pour. C'était quand, t'as dit ? Ça s'est passé entre 46 et 48. D'accord. Donc c'était avant les codes Nuremberg, avant les déclarations bioéthiques, mais bon, c'était quand même assez récent, quoi, d'une certaine manière. Ouais, effectivement. Alors finalement, de ce rapport Belmont, là dont je vous parle, il y a trois principes. Là, c'est vraiment les trois principes fondamentaux de la bioéthique. C'est un, le respect de la personne, donc ça on en a déjà parlé, le consentement libre et éclairé, etc. Deux, et donc là c'est le point important soulevé par ce rapport, c'est le concept de bienfaisance. Donc en fait c'est une notion qui est très que les anglo-saxons ont beaucoup développée, c'est la notion de rapport bénéfice-risque en fait. Et c'est une notion qui est délicate parce que pour la recherche on est obligé de faire un petit peu de tort, enfin on peut être amené à faire un petit peu de tort quand on teste deux médicaments, s'il y en a un qui marche moins bien que l'autre, forcément le groupe qui a eu le médicament qui marche moins bien, il a été privé d'un traitement qui marche bien. Ouais. Donc, mais sauf qu'on le savait pas. Donc ouais, donc il y a toujours une part de tort. Quand on veut faire un nouveau médicament, on ne sait pas encore s'il va mieux marcher ou pas que les anciens. Donc, c'est toujours, on est obligé de faire un peu de tort pour avoir l'information. Et donc, il y a la question de bénéfice-risque. Ça doit être très étudié pour qu'une étude soit éthique. Il faut que la notion de rapport bénéfice-risque soit favorable, soit positive. Et enfin, il y a l'idée de justice. Donc, la première idée du rapport Belmont, c'est le respect de la personne, le consentement libre et éclairé. Le deuxièmement, c'est la bienfaisance. Donc, avec le rapport bénéfice-risque, il faut que tout acte médical, donc biomédical, dans la bioéthique, soit positif au niveau de son rapport bénéfice-risque. Et enfin, tertio, il y a la justice. Donc, un des enseignements de cette étude de Tuskegee, mais aussi bien sûr des expérimentations nazies, c'est qu'il faut qu'en fait, il faut que le fardeau, le bénéfice-risque, la partie risque, il faut qu'elle soit endurée par tout le monde équitablement. C'est la notion de justice dans la recherche biomédicale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une ethnie, un groupe, on va tester ce médicament sur les vieux parce que les vieux, voilà, ils sont vieux, etc. Et après, les informations, on va les utiliser pour toute la population. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une justice, et qu'il faut que tout le monde, tous ceux qui seraient amenés à bénéficier d'une information, d'un savoir scientifique, en endossent également les risques. Et donc ça, c'est cette justice qui était évidente dans les textes de loi civile, la Déclaration des droits de l'homme, c'est « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », cette justice, elle est transposée dans l'éthique médicale. D'accord. Donc ça, c'est le rapport Belmont, t'as dit, puis c'est quelle époque ? C'est la fin des années 60 ? C'est en 79. D'accord. Voilà. Et donc ça, ce rapport Belmont, c'est là où je vais m'arrêter en termes juridiques. C'est à partir de là que ce sont les bases de la bioéthique moderne. Après, bon, il y a plein de nouvelles lois qui ont apparu et dont je parlerai la semaine prochaine, qui vont concerner toutes les nouvelles technologies. Donc à propos de cellules souches, d'embryons, de génétique, etc., de brevetabilité du vivant, enfin tous ces trucs-là, tout ça, c'est vraiment beaucoup plus complexe que, parce que là, on parle de notions qui sont fondamentales, quoi. C'est des trucs qui sont, et pourtant, ces trucs fondamentaux qui nous paraissent d'une évidence, enfin, violente, et sont, ont eu besoin d'être affirmés très récemment, quoi. En 1979, c'était pas gagné, quoi. Ouais. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Après, voilà, je sais pas si on a le temps ou pas. On va peut-être m'arrêter là. C'est comme vous voulez. Parce que je pouvais un petit peu revenir sur cette notion de bénéfice-risque. C'est un truc que je trouve super intéressant. C'est les instruments de mesure de cette notion de bénéfice-risque. Mais je pourrais en parler la semaine prochaine ou pas, suivant. Parce que là, je vois que ça fait presque une heure déjà. je vais m'arrêter. Ouais, c'est vrai. Ok. Ouais, ça marche. Écoute, on va en rester là pour aujourd'hui. Ouais. Et puis, okay. Ben, ouais, menu alléchant pour la semaine prochaine. Ouais. Ça va être dur, je sens, mais je vais essayer de traiter un petit peu tout. Ce dont je vais essayer de parler, c'est vraiment de voir quelles sont les lois, enfin, comment a évolué le droit après, qu'est-ce qui a été autorisé dans quel pays, pourquoi, etc. Et qu'est-ce qui est interdit surtout, et pourquoi c'est interdit éventuellement. Ouais, et puis quelles sont les questions bioéthiques qui ne sont pas réglées aujourd'hui, j'imagine. Oui, voilà, exactement. Par exemple, l'euthanasie, c'est évident que j'ai très envie d'en parler, quoi. Il va falloir que je trouve un moyen d'en parler. Ok. Bravo Franck, ouais, je t'ai pas trop coupé parce que j'étais passionné en fait, figure-toi. Ah bah génial. Franchement j'ai appris plein de trucs, puis c'est à chaque fois, tu sais, ça me laissait divaguer vers des réflexions, quoi. Donc je trouvais vraiment très intéressant. Ok, bah super, content que ça t'ait intéressé. Moi j'avais juste une question par rapport à un truc que tu as dit relativement tôt dans le dossier, c'est que l'Église a introduit, enfin le christianisme a introduit la notion d'âme. Qui ouais. faisait que du coup le corps était moins sacré, et puis on pouvait ouais. On pouvait plus facilement l'explorer. Là, ça va être une question pour Marco plutôt, j'imagine. Il n'y a pas dans le christianisme cette notion de jugement dernier, enfin de jour du jugement où tout le monde doit sortortir de sa tombe. Et... Enfin, il y a un truc comme ça un peu, non, dans le christianisme. Pourquoi une question pour moi? Parce que je sais pas, je sens que ça... Père Marco. Tu dois être au fait de ces questions-là, non? Moi, je suis tellement nul en fait en histoire biblique. Il y a une notion de jugement dernier, oui. Mais cette notion de résurrection des morts, elle est pas antinomique avec cette notion de corps désacralisé. Alors là, je suis pas théologien, je pourrais pas te répondre. D'accord. Là. Bon, on va trouver quelqu'un d'un peu plus spécialiste que nous sur la question. C'est un truc qui m'a un peu intrigué pendant le dossier. Oui, ouais. C'est clair, c'est une question super pointue. Mais oui, je crois que c'est vraiment la christianisme qui fait la dualité entre le corps et l'âme, et que ça n'existe pas avant, et que le jugement dernier il concerne que l'âme, il concerne pas le corps en fait. Et je crois que c'est un des fondements, un des trucs compliqués à comprendre dans la religion, dans les religions monothéistes. C'est surtout dans le christianisme d'ailleurs, c'est la Trinité, quoi. C'est que le Dieu, il est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ouais, c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est vraiment, c'est hardcore. Mais bref, ouais. J'ai trop peu de certitudes sur le sujet pour te donner une réponse convaincante, quoi. Tu vois, je te donnerai une réponse, j'en serais pas sûr, quoi. Ok, mais écoute, au moins j'aurais essayé. Mantine nous dit dans la chatroom que le christianisme interdit la crémation. Bon, c'est peut-être aujourd'hui aussi, hein, parce que le christianisme a évolué. Il y a des tas de règles, des tas de croyances qui n'existaient pas au départ, qui sont venues par la suite. Non, c'est sûrement possible que dès le départ, la crémation soit interdite. Ouais, j'ai peut-être zappé ça. Mais bon, la crémation, c'est vrai que ça montre une importance du corps. Peut-être que la crémation détruit l'âme, je sais pas, les flammes de l'enfer. Je pense que la crémation, c'est distinct quand même de la dissection. Mais c'est à creuser, hein. Peut-être que j'ai dit une connerie de ce côté-là. Effectivement. Ok. Faudra voir. Bah, si j'ai dit des conneries, de toute façon, je mettrai ça en commentaire des notes d'émission. ce qu'il faut dire, c'est que la version écrite du dossier viendra peut-être jamais. Donc, si vous voulez vraiment une version écrite, vous manifestez. Mais sinon, je n'en ferai pas. Je ferai juste une note avec mes sources globalement, et puis peut-être quelques définitions, quoi. Mais si ça intéresse personne, je vais pas rédiger, parce que c'est beaucoup de boulot pour rédiger. Donc voilà. J'en suis désolé d'ailleurs. Manifestez-vous. Ouais, allez-y. Ouais, parce qu'Alan va absolument, et Alan et Marco d'ailleurs veulent absolument rester attachés à cette source. D'ailleurs, ce que je comprends, mais bon, bref. Voilà, Mantine s'énerve déjà dans la chatroom. Ça fait une demande. Plus deux avec nous deux, on en a trois. C'est à combien que tu fais ton dossier honnêtement. pas beaucoup à 5. Pff, non, parce qu'il va y avoir Nico qui va dire oui, il a déjà dit oui d'ailleurs. Non, à 10, franchement, allez, il y a à 10. Ok, ouais, à 10 demandes, tu publies ton dossier. Mais le pire, c'est que ça ne me demanderait pas trop de boulot, mais enfin, je suis très attaché au support audio, quoi, parce qu'écrire, ça me fait. Faites mettre les liens et tout, faire des balises, ça me saoule un peu. Bon, bref, ok. Je m'y soumettrai s'il le faut. J'étais pour la liberté. Qu'est-ce que t'as dit, Marco? T'es pour la liberté? Il est d'accord avec moi. Parce que... ah, c'est beau. Ok. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ce dossier. On en reste donc là pour cette semaine. On arrive gentiment au bout de l'émission. On avait quand même un ou deux petits trucs à dire. D'abord, cette semaine, c'est Nico qui nous a fait une illustration pour le dossier. Il était drôlement embêté, Nico, quand il a vu la liste des sujets que tu avais l'intention d'aborder. Il disait, mais comment est-ce que je peux faire une illustration de ces trucs-là? Bon, finalement, il est parti sur le clonage et puis ça a donné un truc assez drôle. Ouais, je l'ai vu, elle est pas mal, le clonage, j'en parlerai la semaine prochaine, mais l'illustration est marrante. Yep. Autrement, alors quelques petits événements, quelques petits plugs. Comme d'habitude, on rappelle notre sortie IRL au Palais de la Découverte le 9 juin prochain, donc c'est dans 15 jours, ça approche. Renseignements sur le site podcastscience.fm, sur nos textes, bientôt sur Facebook, un peu partout. Enfin voilà, si vous avez envie d'en être, inscrivez-vous. On va faire une émission spéciale le mercredi précédent. Donc voilà, on n'arrête pas de changer de jour et d'horaire ces temps. Désolé de la confusion, mais il se trouve que le jeudi n'était pas possible pour nos invités. Donc ce sera le mercredi 6 juin à 20h30. On aura quelques invités prestigieux du Palais de la Découverte qui ont contribué à son histoire, qui y travaillent, qui connaissent tout sur le bout des doigts. C'est Nico qui nous organise tout ça. Donc ce sera le mercredi 6 à 20h30. Sinon, j'avais quelques petits plugs à faire. D'abord, pour une soirée science, BD et humour à l'espace Pierre-Gilles de Gênes à Paris, ce sera le jeudi 14 juin à 18h30. C'est une soirée exceptionnelle autour des thèmes de la science, de la BD et de l'humour. Les illustrateurs du collectif Strip Science, donc qui est géré par notre ami Pierre Kerner, et du projet des Bulles du Labo vont tenter de convaincre le public que science et humour font bon ménage. Donc ça promet d'être plutôt sympa. Autrement, comment on a démarré notre live aujourd'hui à 9h30 plutôt qu'à 8h30, du coup j'ai eu le temps de préparer 2-3 trucs, ce qui est pratiquement jamais le cas. Je suis allé voir ce qui se racontait sur notre page Facebook, la page Facebook de Podcast Science, qui est un petit peu à l'abandon, il faudrait qu'on s'en occupe davantage. J'en suis navré auprès des contributeurs. Xavier, ex-Agnès, maintenant Xavier Durussel, il a changé de nom en se mariant, félicitations en passant, nous indique que le nouveau livre de Nicolas Gauvry est disponible. Nicolas Gauvry et Jean-Paul Delahaye, en l'occurrence, ça s'appelle « Comme par hasard », c'est sur les coïncidences et la loi des séries. Ça a l'air évidemment vachement bien. Pour les poditeurs suisses, Xavier a un plan pour une commande groupée, histoire d'éviter les frais de port, alors si jamais n'hésitez pas à lui faire signe. En parlant de Xavier Durussel, un petit plug culturel cette fois, pour alors là c'est plutôt pour nos auditeurs suisses toujours, enfin vous pouvez toujours vous déplacer de France, notez ça en vaut certainement le détour, pour Méric, une pièce de théâtre, une création originale saturée de monstres de foire, de forains et de folies mécaniques qui se croisent et oscillent au rythme des textes et d'une musique entraînante et colorée, et c'est justement avec Xavier Durussel. C'est au Théâtre des Trois Petits Tours à Morges, en Suisse, donc du jeudi 24 mai, donc ça a commencé ce soir, au dimanche 3 juin. Et dans la série des plugs, je continue avec 12 minutes 2, l'un des podcasts de notre ami David, alias Xilrian. Il a réussi à faire cette fois un épisode de 12 minutes, vraiment, où il reçoit à nouveau Claire, qui cette fois parle d'alcool, de la consommation de vin et d'alcool fort à travers le monde, de la tolérance à l'alcool des femmes, des hommes, des asiatiques, des occidentaux, des bienfaits supposés de l'alcool comme méthode de prévention des problèmes cardiaques. Enfin voilà, elle démonte tout un tas de préjugés, c'est extrêmement informatif, et tout ça en moins de 12 minutes chrono, c'est super intéressant. Et puis, ouais, oui, pardon. Ouais, ça a l'air super intéressant, mais c'est marrant qu'il ait réussi à faire un premier épisode de 12 minutes. C'est fou, félicitations. Hein. Rien que pour ça, ça valait la mention. Et puis, bah, bon anniversaire à Lucille, puisqu'on y est, notre illustratrice habituelle. Ah bah oui. Lucille, ouais, c'est demain. Voilà. Bon anniversaire en avance. Hein. Ouais, enfin, le temps qu'elle écoute le podcast, ouais, ce sera le jour J. Tu vois, tout ça est bien fait. C'est l'écoute demain, voilà. Bon anniversaire, Lucille. Et puis, on arrive au moment que tout le monde attend, que les podcasts de la podcast... Spécialement anglophone. Allez, on va dire francophone, parce qu'anglophone, je suis pas sûr qu'ils comprennent encore, mais avec un peu de répétition, on va sûrement y arriver. Donc c'est l'heure de la quote de Marco. Non, mais c'est bien, je vais faire des progrès en anglais grâce à vous, là. N'est-ce pas? Alors cette fois, on t'en a préparé une courte, hein. Ouais, c'est sympa. Ouais, en rapport avec la Par contre, je sais pas bioéthique. si l'anglais va faire des progrès grâce à toi. Je suis méchant, Marco, désolé. Bon, allez, je vais pour la quote. Donc c'est voilà ce qu'elle dit. With great power, there must also come great responsibility. Eh ben, c'est pas mal. On a tout compris. Tu peux nous redire le deuxième mot? Non, oui, le deuxième mot. Le deuxième mot, gouette. Ouais, c'est ça. Ouais, pourquoi tu le dis comment, toi? Ah non, non, mais ouais, si, non, Ah, je vais ah ben, alors, à la demande générale, voici, mesdames et messieurs, roulement de tambour, la quote de Franck en anglais. On t'écoute. Great! C'est Oh, tout? c'est tout, moi, c'est un mot. Ah, c'est Non, juste un with mot. great power. Non, mais je suis aussi mauvais que Marco, voilà. Les masques tombent. Et voilà, encore un mythe qui s'effondre. Bon, Du coup, traduction? on va faire une semaine sur deux, un coup moi et un coup Franck, alors. Ah, par exemple, ça pourrait Moi, prendre. Non, Franck, il va faire la côte en japonais. Ah ouais, génial. Yep, donc, traduction, messieurs. Alors, avec un grand pouvoir, il vient aussi ensuite de grandes responsabilités. Ouais. C'est ça à peu près? Ouais, à tout grand pouvoir, il doit y avoir une grande responsabilité. C'est de Stanley, c'est pas très scientifique. Je crois que c'est tiré de Spider-Man, en fait, au départ. Mais voilà. Putain, la dernière fois, c'est qui nous a fait Ouais, Eric c'est. Cantona, je crois, Marco? Eric Spider-Man, Eric Cantona. Cantona, la grande littérature, quoi. Oui, t'as vu. Non, mais Eric Cantona, c'était plus parce que voilà, il parlait anglais comme moi, donc c'était plus facile après. Voilà. Bon, c'est pas très scientifique, mais c'est quand même un clin d'œil geek. C'est Stanley, et puis je trouve que c'est vachement intelligent en fait. Bah Ouais, puis ouais, c'est super adapté. dans le sujet, tu sais, ça peut coller. Avec un grand pouvoir, c'est maintenant on a le pouvoir de la médecine de disséquer le corps humain. Donc, il vient ensuite de grandes responsabilités. Ouais, non mais c'est vrai, c'est super adapté. Mais c'est exactement à ça que je pensais. C'est vrai que la science, qu'on le veuille ou non, a quand même pas mal de pouvoir, quoi. Voilà, la chirurgie, on a le pouvoir de faire des interventions chirurgicales et cela engendre de grandes responsabilités derrière parce que Bah d'ailleurs, ça Spider-Man l'avait bien rattrape. compris, hein. Je pense que. Donc, Non, quelque part, la côte a quand même sa place non, mais oui, dans. clair. Non, Ouais. clair. Ouais, Mais moi, je pensais non seulement à la médecine, mais je pensais aussi à la justice, où souvent le dernier mot revient à des experts, qui sont souvent des experts scientifiques, justement. Et c'est aussi à cette forme de pouvoir que je pensais. C'est-à-dire que Ouais, voilà, quoi, aussi. ça nécessite une parfaite intégrité, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Enfin, quand on a ce type de pouvoir, il faut. Voilà, donc là aussi de grandes responsabilités parce que l'issue du procès, par exemple, peut dépendre des résultats, quoi. Voilà. Bon, sinon, on a quelques commentaires dans la chatroom encore de Mantine. Ah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle commente le dernier podcast Vie artificielle sur la biologie de synthèse où le faux cynisme de Claire l'a épatée. Donc voilà, petit plug aussi pour l'autre podcast de Xilrian, vieartificielle.com, ça vaut toujours la peine de l'écouter. Et puis donc, on en reste là pour cette semaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Franck, tu sais déjà à quelle heure? Ce sera 8h30 ou 9h30? Alors non, je suis vraiment désolé, je sais pas. A priori 8h30 pour l'instant, normalement je devrais pas travailler aussi tard qu'aujourd'hui, mais sous D'accord. réserve de modification quoi. Ok, bon ben, suivez bien Twitter, on communiquera là si jamais les changements d'horaire. Ok. Et puis, ben voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente Ça semaine à marche. toutes et à tous. Merci à tout le monde dans la chatroom. À bientôt. Au Merci, revoir, à ciao. bientôt.